le vif. Écoutez. Mademoiselle, auriez-vous l'obligeance de m'appeler mon domicile? 498 38 48. Oui, monsieur, tout de suite. Mais, monsieur, je suis étonnée. On me répond qu'il n'y a pas d'abonnés au numéro que vous avez demandé. Répétez. Mademoiselle, auriez-vous l'obligeance de m'appeler mon domicile? 498 38 48. Oui, monsieur, tout de suite. Mais, monsieur, je suis étonnée. On me répond qu'il n'y a pas d'abonnés au numéro que vous avez demandé. Écoutez. Monsieur, auriez-vous la gentillesse de déplacer un peu votre voiture? Elle est mal garée et je ne peux pas sortir la mienne. Vous n'avez qu'à faire quelques manœuvres de plus. Ce n'est pas de ma faute si vous ne savez pas conduire. Attendez, madame, je vais vous guider. Merci, monsieur. Vous êtes très aimable. Heureusement qu'il reste des hommes galants. Répétez. Monsieur, auriez-vous la gentillesse de déplacer un peu votre voiture? Elle est mal garée et je ne peux pas sortir la mienne. Vous n'avez qu'à faire quelques manœuvres de plus. Ce n'est pas de ma faute si vous ne savez pas conduire. Attendez, madame, je vais vous guider. Merci, monsieur. Vous êtes très aimable. Heureusement qu'il reste des hommes galants. Écoutez. Bonjour, mademoiselle. Je suis Michel Blanc. J'ai rendez-vous avec Monsieur Jantet à 5 heures. Je suis désolée. Monsieur Jantet a dû s'absenter pour la journée. Vous pourriez avoir la politesse de prévenir. Je me suis dérangé pour rien. Répétez. Bonjour, mademoiselle. Je suis Michel Blanc. J'ai rendez-vous avec Monsieur Jantet à 5 heures. Je suis désolée. Monsieur Jantet a dû s'absenter pour la journée. Vous pourriez avoir la politesse de prévenir. Je me suis dérangé pour rien.